Voilà. Il n'y aura plus d'hiver. Si nouveau. Je crois c'est tombé hier. Plus d'hiver pour toi, Benito. Que le Seigneur lui pardonne de ses nuits et ses ivresses. Toute cette vitesse et ira mieux après l'hiver. C'est arrivé hier, bien avant l'orage. C'était prédit, m'a-t-on dit d'après l'oracle. Elle le guettait au large, elle ainsi que la mort. Cela le rendait barge bête, mais aussi un homme. Elle a séquestré son futur, violer ses rêves, mais la suite reste plus dure. Ma foi, j'ai peur de voir le reste. On sait que la vie est assez moche, mais bon, je pense à ses proches. Ils auraient voulu qu'il reste gentil gosse comme à l'époque, mais les circonstances, hélas, restent atténuantes dans ces moments. On espère que les cieux écoutent nos louanges. C'est tombé sur lui, ça aurait pu tomber sur un autre. Une embrouille de merde, un coup de couteau, tu perds un saut. Donc au final, cette garce a fait son job, frère. Comme d'habitude, un travail d'orfèvre. Ouais. D'hiver. Il n'y aura plus d'hiver et plus d'été non plus. A plus, mon pote. Et pourquoi ? Il n'y aura plus d'hiver et plus d'été non plus. Comme moi, t'écrivais les vers, mais tu n'allais pas mieux non plus. Des fois, j'y pense, j'écoute tes sons et putain, ça arrache. Et je ferme ma gueule et je les écoute comme j'écoute AKH. Derrière un Mac, t'avais la niaque pour aller en studio. On était là pour te pousser pour ton album solo. J'te cette feuille, un peu d'hiver dans mon automne. Regarder de père m'a fait devenir un autre homme. Toujours le sourire, c'est vrai, t'en baves et dans ta vie. Tu cassais tout comme un pavé dans la vitre. On contrôle rien quand la vie vire au pire. Et puis je t'avoue, ton départ m'a ôté envie d'écrire. Une chanson fin, une chanson faite juste pour toi, frère. De là-haut, tu nous regardes et que tu sois fier. Toujours prêt pour faire la guerre, alors d'un bic on s'arme. Je te dis à plus, mon pote, à plus, Bico San. Voilà.